besoin de foi, souviens-toi. Partager plus de peine que de joie, souviens-toi. Nous étions des amis l'an dernier, mais pour une fille nous nous sommes fâchés. Aujourd'hui pour chasser le feu qui nous sépare, les malentendus qui hantent nos mémoires, il suffit de rien, rien. Serrons-nous la main pour que tout soit bien. Serrons-nous la main. Cette fille nous a rendu malheureux, malheureux. Pourtant nous n'étions pour elle qu'un jeu, rien qu'un jeu. Elle voulait briser notre amitié, prouvant-lui que rien ne peut nous séparer. Aujourd'hui il faut chasser les ombres et les doutes, pour ensemble encore poursuivre notre route. Il suffit de rien, de rien. Serrons-nous la main pour que tout soit bien. Serrons-nous la main. Cette fille voulait qu'on soit fâché à jamais, pour se moquer de nous, pour s'amuser sans pitié. Elle a gagné, nous avons perdu. Ça fait plus d'un mois qu'on ne se parle plus. Aujourd'hui pour chasser le feu qui nous sépare, les malentendus qui hantent nos mémoires, il suffit de rien, rien. Serrons-nous la main pour que tout soit bien.